Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'épuration. Et ce matin, pour commencer cette semaine, nous vous parlerons d'un des plus petits pays d'Europe, le Luxembourg, et du plus grand de l'époque, l'URSS. Vous ne le savez peut-être pas, mais un pays voisin du nôtre, le Luxembourg, est agité depuis quelques années par un débat important. Le gouvernement mis en place après le départ du gouvernement d'avant-guerre et après l'invasion du pays par les troupes allemandes en mai 1940, a-t-il participé activement aux mesures anti-juives ? Un rapport a été commandé à un historien spécialiste de la collaboration au Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été remis au gouvernement luxembourgeois il y a un mois. Cet historien s'appelle Vincent Artuso, et il nous en parlera en première partie de cette émission jusqu'à 9h30. Et puis en deuxième partie, Vanessa Voisin viendra nous parler de sa thèse, publiée dans une quinzaine de jours aux publications de la Sorbonne, consacrée à l'épuration en URSS pendant et après la Seconde Guerre mondiale. On y apprend que cette épuration a été bien différente de celle que nous avons connue en France. Elle nous dira pourquoi. Bonjour Vincent Artuso. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous nous avez alerté il y a à peu près une quinzaine de jours ou trois semaines de la remise de ce rapport que vous avez donc concocté avec pas mal d'historiens au Luxembourg donc, et que vous avez écrit et remis au gouvernement luxembourgeois. C'était le 9 février dernier. Un rapport sur la politique au Luxembourg pendant l'occupation allemande de ce territoire et de ce pays et en particulier sur la question juive, et vous l'avez d'ailleurs appelé la question juive entre guillemets pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi l'avoir titré comme cela ? J'ai titré comme ça parce que ce travail s'était inscrit dans la prolongation de ma thèse qui était consacrée à la collaboration au Luxembourg. Une thèse que vous avez soutenue à Paris sous la direction de Pascal Horry. Pascal Horry. Et donc à Luxembourg aussi sous la direction de Michel Paoli. Et dans la thèse, j'avais sciemment évité la question du pourquoi. Plutôt consacré sur la question du comment. Or, là, dans ce contexte, c'était impossible, puisque le rapport a été commandé par le gouvernement, qui, présidé par Jean-Claude Juncker, qui voulait avoir plus de précisions sur ce qui s'était déroulé pour savoir s'il devait ou non s'excuser, présenter des excuses officielles à la communauté juive au nom du gouvernement. Et donc, là, on est un peu piégé dans la question du pourquoi, malgré tout. Donc en cherchant des explications, je ne me suis pas limité aux premiers mois de l'occupation, qui forme vraiment le centre du rapport, mais aussi sur l'avant-guerre, sur les années 30, avec donc ce qu'on peut appeler, et ce qui est appelé à l'époque dans la presse au Luxembourg et dans les discours politiques, une question juive. Oui, alors c'est d'ailleurs en cela que vous êtes assez proche du travail qu'on entendra tout à l'heure présenté par son auteur, à savoir Vanessa Voisin, qui insiste beaucoup sur l'avant-guerre, justement pour comprendre ce qu'a été l'épuration en URSS. Vous insistez beaucoup, il y a une très longue partie sur ces années 30 qui voit se transformer un peu le Luxembourg, un pays accueil en particulier pour les réfugiés juifs allemands après 1933, en plusieurs vagues, 1933, 1935 et même jusqu'à la toute fin de la période des années 30, juste avant la guerre. Donc, et un débat qui agite le milieu politique luxembourgeois autour de la présence de ces juifs étrangers qui s'ajoutent à une petite communauté juive qui existe depuis la Révolution française, puisque pendant la Révolution française, le Luxembourg, donc conquis par les révolutionnaires français, s'appelle le département des forêts et acquiert les mêmes règles et les mêmes droits que la France de l'époque et donc en particulier autorise l'installation sur son sol à ce moment-là en 1797 et dans les années de 1800 donc de juifs qui auparavant étaient interdits depuis les 16e siècle. Donc il y a une première communauté juive qui est celle installée depuis le tout début du 19e siècle et puis une deuxième beaucoup plus récente qui arrive après les persécutions des nazis en Allemagne. Oui, le pays est construit, l'État se construit à la suite du traité de Vienne dans la continuation de ce qu'a apporté le régime français, c'est-à-dire sur des bases libérales. Ces bases libérales sont progressivement remises en question dans l'entre-deux-guerres, puisque même s'il s'agit d'un petit territoire, il y a tout de même la formation d'un nationalisme qui est folkish, qui est ethniciste, qui essaye de se définir autour d'une base qui est celle du sang, mmh. la terre. Mmh. Et... Donc on serait luxembourgeois depuis la nuit des temps, enfin, c'est exactement ce que tentent d'expliquer les théoriciens de cette époque-là. Voilà, tout comme en Allemagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on tente aussi de définir l'allemand comme étant quiconque est descendant d'allemand et porte du sang allemand. Simplement, le Luxembourg est aussi un pays d'immigration depuis la fin du 19e siècle. Puisque le pays va vraiment rentrer dans la modernité économique avec l'industrie sidérurgique. Donc le conflit va éclater autour de la question de l'immigration et va être encore plus vif dans les années 30, puisque avec la crise économique, l'immigration cesse, beaucoup d'étrangers repartent, sauf qu'il y a une nouvelle catégorie d'immigration qui est donc celle de ces réfugiés allemands, juifs qui viennent dans un premier temps d'Allemagne, qui viennent plus tard d'Autriche, qui viennent aussi pour une petite minorité de Tchécoslovaquie ou de Pologne. Et donc cela va déjà relancer la question de l'immigration. Et puis, bien sûr, dans un pays très catholique comme le Luxembourg et qui rentre aussi dans la modernité politique par le catholicisme social, le catholicisme politique, l'arrivée de ces juifs qui font doubler la taille de la communauté installée au Luxembourg va créer des très vives polémiques. Alors, évidemment, on est sur des petits contingents, tout de même, on n'est pas sur des dizaines de milliers de personnes qui arrivent, c'est plutôt des centaines, voire des milliers, mais néanmoins, cette arrivée ces Juifs qui viennent à la fois d'Allemagne, d'Autriche et d'une partie de la Tchécoslovaquie, va provoquer à la fois des discours sur l'invasion de sauterelles, des discours sur la question juive, vous l'avez dit, mais aussi des distributions de tracts en 1938, des affiches sur les magasins juifs retournés en Palestine, etc. etc., des croix gammées sur la synagogue du Luxembourg. Plus on s'approche de la déclaration de guerre, plus on a l'impression qu'il y a là, disons, un climat d'antisémitisme de plus en plus partagé, pourrait-on dire, même si le gouvernement de l'époque, et vous l'expliquez bien, Vincent Artuseau, dans votre rapport, est un gouvernement qui est un peu tiraillé parce que c'est un gouvernement socialiste. Alors, pour aussi revenir à la question de l'échelle, il faut savoir que le pays, à l'époque, en effet, c'est un petit pays qui compte 290 000 habitants, à peu près. La population juive est de 2000 personnes en 1933. À la fin de la guerre, on estime, et là, il n'y a que des estimations, qu'elle se situe quelque part entre 4500 et 5000, et 5000 personnes. Donc, en effet, ce sont des chiffres tout à fait petits, mais enfin, dans le contexte de ce pays, c'est assez important. Et quand on voit le nombre de réfugiés qui arrivent malgré tout au Luxembourg, proportionnellement, je veux dire, en comparaison avec la Belgique, les Pays-Bas ou la France, ce sont des chiffres extrêmement importants même. Donc, ce gouvernement socialiste de la fin des années 30 est tiraillé, lui aussi, débat, discute sur la possibilité ou non de continuer à accueillir ces réfugiés, comment les accueillir, est-ce qu'il faut passer des accords avec le Joint, par exemple, qui est cette grande organisation internationale de soutien aux Juifs persécutés, qui vient des États-Unis, comment faire en sorte, est-ce qu'il faut faire des camps de rétention, est-ce qu'il faut leur demander de repartir tout de suite à peine arriver, etc., etc. Alors, ce n'est pas immédiatement un gouvernement socialiste. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un... Non, je parle de celui qui précède juste la guerre. Oui, c'est un gouvernement de grande coalition, comme on en connaît en Allemagne, c'est-à-dire entre conservateurs et sociaux-démocrates et socialistes. Et oui, en effet, ce gouvernement est extrêmement gêné. Il s'y trouve des personnes qui, avant d'arriver au pouvoir, ont activement soutenu les réfugiés qui venaient au Luxembourg. Mais il y a une tendance générale qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que vous citiez ces actes antisémites radicaux, oui, en effet, qui étaient des attaques contre des synagogues, des commerces dits juifs, des tracts distribués nuitamment dans les rues, des attaques physiques parfois. Ça, c'est le fait d'une minorité. Si c'est important, c'est parce que, pour la première fois, on voit sur ce petit territoire l'apparition d'un mouvement politique qui va chercher son inspiration directement dans l'Allemagne nationale socialiste. Le LNP, puis il y a une partie, il y a des petits petits groupuscules, des petits mouvements politiques. Ce sont des groupuscules qui sont vraiment infimes, mais il n'en reste pas moins que ces groupuscules seront le germe du futur parti collaborationniste pendant l'occupation. Donc ces gens-là sont la pointe de l'iceberg, mais il existe une tendance générale qui va vers le nationalisme völkisch, et donc aussi vers l'exclusion, pas seulement des étrangers, mais des allochtones, c'est-à-dire de ceux qui sont considérés comme n'étant pas de vrais luxembourgeois, même s'ils possèdent la nationalité luxembourgeoise. Et cela se voit en mars 1940 avec l'adoption d'une loi sur la nationalité qui introduit et qui ne laisse subsister... Sur l'indigénat même, et qui ne laisse subsister comme unique critère que... le droit du sang. Et donc, cette loi est adoptée par un gouvernement de grande coalition. Alors, arrive évidemment la défaite, mai 1940. Très rapidement, on va comprendre les intentions des Allemands qui arrivent sur le territoire luxembourgeois. Ils vont mettre en juillet à la tête d'une administration civile, un gouvernement civil, comme ils l'appellent, un Gauleiter, donc, qui s'appelle Simon, c'est cela, qui va donc commencer à négocier avec, c'est la particularité du Luxembourg, un gouvernement de substitution, puisque le gouvernement a pris est parti en exil, la grande-duchesse aussi, et qu'elle a laissé sur place un gouvernement de substitution qui s'appelle la commission administrative. Et vous êtes centré dans votre travail d'historien sur le rôle de cette commission administrative, dont on disait qu'il n'était au départ que le représentant du gouvernement en exil. Et ce que vous montrez très bien, Vincent Artuseau, c'est qu'il y a là deux politiques qui se mènent de façon divergente. Un gouvernement en exil qui tente de sauver et d'aider les juifs luxembourgeois, s'ils n'aident pas forcément les juifs récemment arrivés sur le territoire luxembourgeois, ils aident ceux qui ont la nationalité luxembourgeoise. Et de l'autre côté, cette commission administrative qui se dit la représentante de ce gouvernement en exil, mais qui par ailleurs est plutôt assez favorable au travail avec les Allemands et va même aller parfois au-devant de ce que demandent les Allemands. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'après la reconstruction de l'ambiance nationaliste et des années 30, de la reconstitution de l'articulation de cette question juive au Luxembourg, celle de l'analyse de la commission administrative a été l'une des plus importantes dans le rapport. C'est-à-dire que longtemps, au Luxembourg, on a vécu sur l'idée que le gouvernement était parti... en exil, comme s'il avait pressenti dès le premier jour, dès le 10 mai, dès le jour de l'invasion, que l'Allemagne semblerait avoir gagné la guerre pendant quelques années, puis la perdrait, et que donc il fallait rester à l'étranger. En réalité, les choses ont été un peu plus complexes. Le gouvernement est parti sans vraiment préparer l'appareil d'État à son départ, ce qui fait que dès le lendemain, une résolution est adoptée à la Chambre des députés qui instaure donc cette commission administrative, et dont le nom est trompeur, puisque cette commission administrative dispose de pouvoirs très étendus, qui sont des pouvoirs d'exception qui avaient été accordés au gouvernement désormais en exil à la veille de la guerre, et justement dans l'idée qu'il y aurait guerre et que donc il lui fallait des pouvoirs étendus. Pendant les premières semaines, cette commission administrative, bien sûr, va se contenter de gérer la pénurie. Et le tiers de la population est en exode, soit dans le sud de la France, soit dans le nord du Luxembourg. Il y a eu des destructions, mais ensuite vient la défaite française et vient l'armistice franco-allemand. Et à partir de la mi-juin 1940, on constate qu'en effet, cette commission administrative va définir sa propre stratégie à l'égard de l'Allemagne, qui est celle de la collaboration. Alors, ils vont collaborer, cette commission administrative, ils vont travailler avec les Allemands, et ils vont parfois, dans certains secteurs, être très actifs dans la recherche et la poursuite potentielle de ces juifs que recherchent les Allemands. En particulier, expliquez-vous, dans le secteur de l'éducation nationale. Enfin, ça, je pense que ça ne s'appelle pas forcément l'éducation nationale au Luxembourg à cette époque-là, mais en tout cas, dans le domaine de l'école, eh bien, il va y avoir des gens qui vont être, disons, des zélateurs, des gens très très zélés. Et c'est là où les choses aussi deviennent extrêmement compliquées, puisque donc, cette commission administrative est en place depuis le 11 mai 1940. Et donc au début du mois d'août, en effet, il y a l'instauration d'une administration civile allemande avec ce Gauleiter Gustave Simon, dont le but, et personne ne l'ignore, et d'ailleurs il l'affiche clairement, c'est d'annexer ce petit territoire au Reich, puisque ça... population est considérée comme allemande par les théoriciens nationaux-socialistes. Donc, lui n'envisage absolument pas d'accepter ces offres de collaboration. Pour lui, il n'y a que la soumission qui est possible. C'est-à-dire que à partir de septembre, à partir du moment où l'essentiel de la législation antisémite du Troisième Reich va être introduite sur le territoire du Luxembourg, déjà cette commission administrative, elle ne change plus de cap, elle reste malgré tout fixée sur la collaboration, mais il est très compliqué maintenant de savoir si elle tient encore des leviers. Et en fait, avec le peu de documents qu'on a lorsqu'on regarde la situation, on a plutôt l'impression que justement la situation lui échappe. Mais alors ce sont les chefs d'administration qui entrent en jeu, qui prennent leur liberté par rapport à l'ancien pouvoir central et qui commencent eux-mêmes à élaborer leur stratégie vraiment personnelle pour rester en place et qui vont, dans de très nombreux cas, collaborer directement avec l'administration civile allemande. Et donc c'est le cas, oui, en effet, dans du corps des inspecteurs de l'enseignement primaire en particulier. Exactement. Donc, qui entre collectivement dans le parti collaborationniste qui s'appelle Volksdeutsche Bewegung, le parti des Allemands ethniques. Ils entrent collectivement dans ce mouvement dès septembre 1940, c'est-à-dire à une date où il n'existe pas encore de pression physique, d'obligation de faire partie de ce mouvement. Donc on voit que là, et on le voit pour... J'allais dire bizarrement, parce que j'ai étudié uniquement certains corps d'administration, mais il se trouve que tous ceux qui entraient en considération dénotent une collaboration très précoce avec les Allemands. C'est le même cas pour... Et active. Il y aura aussi le collège des contrôleurs, dites-vous, qui est chargé de contrôler les commissaires des entreprises qui ont été abandonnés au moment de l'invasion et donc la question des biens spoliés, par exemple. Ce collège, dites-vous, a pu participer de près ou de loin à ces questions des spoliations, du moins de participer de façon active à la collaboration avec l'occupant allemand. Oui, alors c'est une institution qui n'est pas une institution étatique, mais qui est quand même une institution publique. Elle a en charge un service public qui est celui de gérer les commerces et les entreprises qui ont été abandonnés, entre parenthèses, par leurs propriétaires. C'est-à-dire que au moment de l'exode, sur les plus de 4000 juifs qui résident au Luxembourg, près de 2000 quittent le pays pour la France. Ils ne sont pas les seuls, évidemment, à abandonner des commerces. Mais il se trouve qu'à partir du mois d'août, lorsque la population rentre d'exode, la plupart de ces juifs ne vont pas rentrer, soit parce qu'ils sont au courant, car pour beaucoup, ils étaient eux-mêmes originaires d'Allemagne ou d'Autriche, ils sont au courant de ce qui risque de les attendre, ou alors parce qu'on ne les laisse plus rentrer. Donc, ce collège des contrôleurs qui avait en charge, au début, tous les commerces laissés vacants, à partir de septembre, n'a en charge plus que les commerces dits juifs. Et il se trouve que lorsque ce collège va être aboli, quatre de ses sept membres vont créer une entreprise privée qui va continuer d'assumer ses tâches de gestion et de liquidation, mais à titre personnel. Alors vous expliquez que dans l'administration, on dresse la liste des personnes qui sont considérées comme juives par les Allemands, c'est pour ça que vous dites 10 juifs, qu'on expulse de la fonction publique les professions, des professions libérales et des écoles des gens considérés comme juifs, qu'on spolie les biens. Et donc vous avez remis ce rapport au gouvernement luxembourgeois après une querelle, une discussion, un débat public, pourrait-on dire, dans les journaux et dans la société luxembourgeoise. Ce rapport a été remis il y a un mois maintenant. Vous attendez des réactions du gouvernement? Vous avez des signes ou pas des signes en tant qu'historien qui a travaillé avec d'autres historiens sur cette question-là? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à l'issue de ce rapport? Alors, dès le début, la fonction du rapport était d'apporter des éléments au gouvernement dans sa réflexion, c'est-à-dire de savoir si il devait présenter des excuses officielles ou non. Lorsque le Premier ministre a reçu le rapport, il a annoncé qu'il devrait d'abord y avoir un débat. un débat dans la société, mais aussi un débat politique, notamment au sein de la Chambre des députés. D'ailleurs, le comité scientifique qui a encadré ce travail et moi-même sommes invités jeudi à la Chambre des députés pour présenter le rapport. Donc il va y avoir une discussion sur place. La discussion dans les médias a déjà été lancée. Je sais qu'il y a eu plusieurs tables rondes qui ont été organisées entre-temps. Donc oui, en effet, la matière est discutée. Quant à la décision du gouvernement, d'après ce que je sais, elle devrait... tomber peut-être à la fin du printemps. C'est ça. Merci Vincent Artuso d'être venu présenter votre rapport que vous avez rédigé donc à la demande du gouvernement luxembourgeois sur ces années 30 et 40 au Luxembourg, le passage, dites-vous, d'une vision libérale de la nation luxembourgeoise à une vision essentialiste et ethnocentrée. C'est ce que vous expliquez dans ce rapport en particulier et dans sa conclusion vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale au Luxembourg. On peut le trouver, on peut le lire sur Internet, ce rapport, il est public ? Oui, absolument. Il a été mis en ligne sur le site du gouvernement luxembourgeois. Voilà, il suffit de taper votre nom, Vincent Artuso, et j'imagine on trouvera dans un bon moteur de recherche, Artuso, A-R-T-U-S-O. Donc, on trouvera ce rapport et on pourra le lire. Il fait environ 250 pages, c'est cela ? C'est cela, oui. Merci Vincent Artuso d'être venu nous le présenter en première, en primeur. France Culture. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et pour ouvrir, pourrait-on dire, notre semaine consacrée à l'histoire de l'épuration avec Anaïs Quin qui l'a préparée avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Nous recevons et nous avons le plaisir de recevoir Vanessa Voisin. Bonjour Vanessa Voisin. Bonjour. Vous étiez récemment avec nous pour évoquer les films soviétiques et le regard soviétique sur l'ouverture des camps d'extermination. Mais là, vous venez nous parler de votre thèse que vous avez soutenue il y a quelques temps et qu'on va pouvoir trouver en librairie d'ici une quinzaine de jours, trois semaines environ, voilà, aux publications de la Sorbonne. Votre thèse s'appelle « L'URSS contre les traîtres ». C'est une thèse que vous avez soutenue sous la direction de Marie-Pierre Rey, grande spécialiste de la Russie, et donc qui porte sur l'épuration. Vous mettez un grand E à épuration pour l'Union soviétique. Pourquoi l'épuration en Union soviétique ? Alors, d'abord, le E majuscule a été reconnu dans les dictionnaires français récents pour cette répression propre à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. En Europe. Elle est encore plus pertinente en ce qui concerne le cas de l'Union soviétique, puisque c'est un pays en constante épuration depuis l'avènement du pouvoir soviétique. Et la question que je m'étais posée, de manière un peu simple au début, était de savoir s'il y avait une spécificité de cette épuration-là, avec une convergence européenne au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ou si nous étions dans ce continuum d'épuration donc soviétique, avec un petit E. C'est pour ça que vous avez commencé, dans toute une longue partie, à expliquer ce qui se passe à partir du moment où la révolution russe se met en place, à partir de 1917, et tous ces processus divers d'épuration du parti, d'épuration de la société, de la société, jusqu'à l'offensive allemande en 1941, qui sont des processus qu'on connaît bien, puisqu'on a reçu souvent ici des gens qui avaient travaillé sur le sujet, comme Nicolas Werth en particulier, pour la Grande Terreur. Oui, tout à fait. Cette épuration de guerre, même si elle présente un certain nombre de spécificités qui en font son intérêt, elle s'inscrit donc dans cette logique politique, puisque l'épuration est un processus de répression politique qui débute donc dès l'avènement du pouvoir soviétique et qui met en place un certain nombre de principes, un certain nombre presque de valeurs, pourrais-je dire, et d'outils concrets, notamment par le biais d'un certain nombre de tribunaux qui ont un mode de fonctionnement aussi semi-judiciaire, semi-politique, et d'outils purement policiers, donc le fameux NKVD, le commissariat du peuple à l'intérieur, qui acquiert des pouvoirs spéciaux dès 1934, enfin qui réacquiert des pouvoirs spéciaux, et qui va mener une grande partie de cette répression. Anaïs Quin. Donc ce que vous dites, Vanessa Voisin, c'est qu'au moment où la question d'une épuration se pose pendant la Seconde Guerre mondiale en URSS, finalement on a déjà des outils pour le faire, on sait déjà faire. Tout à fait. Et à vrai dire, la question se pose, enfin, elle est même annoncée dès le moment où l'Union soviétique est attaquée. Très tôt, des signaux sont lancés aux instances judiciaires et policières pour traquer les traîtres dans l'arrière soviétique ou en territoire qui va être reconquis, puisque les premières reconquêtes sont très précoces dès la fin de l'année 1941. Oui, c'est un sujet géographiquement quand même très compliqué, puisque le front est totalement instable de 1941 à 1944. Oui. Et donc, cette répression est anticipée. Elle est tant et si bien anticipée qu'il y a une partie d'épuration qui est préventive et qui va s'en prendre. Expliquez-nous, arrêtez-vous sur ce point, parce que c'est ce qui est très surprenant. C'est-à-dire qu'on va faire de l'épuration avant même qu'il y ait eu besoin de la faire, théoriquement, qu'il y ait eu des actes de collaboration avec l'ennemi. Tout à fait. Et là encore, c'est finalement la prolongation, notamment d'une partie de la Grande Terreur qui s'en prenait déjà à la minorité allemande, notamment, donc les soviétiques d'origine allemande, qui ont été déjà fortement réprimés pendant la Grande Terreur, et qui, là, vont être totalement déportés entre le mois d'août 1941 et le mois de mars 1942, de toutes les grandes villes de Russie européenne et jusqu'à la Volga. Anaïs Kien. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'épuration dans ce que vous êtes en train d'écrire, Vanessa Voisin, parce que là, finalement, on est dans un motif relativement classique de liquidation de l'ennemi intérieur pour conforter l'arrière-front en état de guerre. Alors oui, on est à la croisée de ce que vous venez d'expliquer et, je le répète, de ce projet soviétique d'épuration, qui est vraiment un projet d'épuration des ennemis, qui est donc une répression politique qui passe son temps à extirper du corps social, l'envoyer en Sibérie ou l'exécuter sur place, des gens jugés dangereux. Mmh. Donc on est dans ce projet politique qui considère que pour mener à bien le grand projet de réorganisation de la société, etc., il faut commencer par lutter contre l'ennemi intérieur. Alors vous êtes plongé dans beaucoup d'archives, en particulier du côté de Kalinine, donc la ville de Tver aujourd'hui, et vous êtes centré autour de cette ville-là, même si votre thèse embrasse de façon beaucoup plus large tout le territoire soviétique. Mais c'est à partir de cet exemple-là que vous êtes parti. Et vous avez eu beaucoup de mal, parce que entre ce qui se passe avant et ce qui se passe pendant, tenter de faire une distinction. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont liées à cette arrivée des troupes allemandes sur le territoire soviétique? Et de l'autre côté, sur les différentes catégories de personnes qui sont touchées par cette répression et cette épuration, mais également sur chronologiquement le fait que tout cela dure pendant 4 ans environ entre 1941 et 1944, tout cela rend extrêmement complexe la conception, la vision même d'ensemble, pourrait-on dire, de ce qu'a été cette épuration en Union soviétique, Vanessa Voisin. D'ailleurs, la conclusion est en demi-teinte, à savoir que, d'une certaine manière, c'est une épuration comme une autre, puisqu'elle se sert de l'essentiel des outils déjà en place et des concepts déjà en place, mais il y a effectivement des éléments de nouveauté. La mise en place de tribunaux mobiles, par exemple. Voilà, donc la première nouveauté est d'ordre judiciaire, mais avec une très très forte symbolique politique, c'est-à-dire la création de cours martiales mobiles, elle s'appelle dans le jargon de l'époque, et elles servent en fait à punir les criminels de guerre étrangers et les collaborateurs eux aussi impliqués dans ces criminels de guerre. Donc elles datent du 19 avril 1943 et elles prévoient des peines d'exception et qui sont très importantes, puisque pour la première fois on va avoir en Union soviétique des mises à mort publiques et extrêmement symboliques par pendaison. Voilà, donc après, je réfléchis sur la signification de ceci. Il y a une partie de mimétisme avec les pratiques allemandes en territoire occupé contre les partisans. Il y a une idée, pour ce qui concerne les collaborateurs, en principe, ceux-ci ne sont pas à pendre, mais en fait, ils vont l'être aussi. Ils sont à envoyer au bagne. Donc, on ressort un terme de l'époque tsariste qui, contrairement à la logique de rééducation par le goulag, vise à vraiment exclure. Ces gens ne sont même pas rééducables. Et donc, ils vont au bagne, qui est un régime de détention absolument épouvantable. Donc, on a très peu de chances de ressortir vivant, d'autant donné que les peines sont de 15 à 20 ans. Anaïs Kien. D'ailleurs, si on reprend votre prérequis, Vanessa Voisin, qui était d'éventuellement trouver des convergences avec le sort de l'épuration en Europe de l'Ouest, on est assez frappé par cette recherche nécessaire de description, de comment nommer finalement cette collaboration. D'ailleurs, vous dites qu'on n'emploie pas le mot collabo en Union soviétique. Mm-hmm. On parle de traître à la patrie. Donc, on est finalement dans des mots, dans un vocabulaire, dans une sémiologie de l'épuration qui est très différente de celle qu'on connaît à l'Ouest de l'Europe. Oui, totalement, totalement. Le vocabulaire aussi bien de la police que de la justice, qui d'ailleurs pose un très gros problème de chiffrage, puisque, enfin de décomptage de toute cette histoire, puisque les catégories auxquelles j'ai dû me référer sont des catégories très très lapatriques qui embrassent d'autres délits qu'à collaboration. Éléments reconnus socialement dangereux, j'imagine. Alors ça, c'est un point avant. Sur lequel je vais venir. Mmh. Mais en termes judiciaires, il y a d'abord la trahison, l'article 58, donc le crime politique, et pour la répression qui nous intéresse, il y a deux points. Il y a vraiment la trahison caractérisée, mais on trouve d'autres gens dans ce bloc-là. Et la collusion avec l'ennemi, qui est un peu moins grave et qui n'entraîne pas tout le temps la mort. Bien. Et puis, on a un autre article du Code pénal qui est utilisé, c'est la notion d'éléments socialement étrangers, qui est mise en place, enfin, qui est utilisée essentiellement dans les années 30, et qui vise à, effectivement, éloigner, notamment de zones jugées stratégiques, les bandes frontalières, les grandes villes, etc., des gens jugés dangereux pour l'ordre social. Et donc là, on a des marginaux sociaux, on va avoir aussi des prostituées, voilà. Et ça, c'est un autre élément un petit peu nouveau de cette répression, c'est que le pouvoir politique, par exemple, n'avait pas pensé la répression des collaboratrices horizontales, comme on les appelle en France. Et là, il va y avoir un appel un peu de la société, ça scandalise la société, et un peu plus tard, il va, sous cet article d'éléments socialement étrangers, les punir. Alors, il y a beaucoup de points qui sont extrêmement passionnants dans votre travail de thèse, Vanessa Voisin. En particulier, vous insistez sur la violence et la férocité des troupes allemandes qui conquièrent ce territoire soviétique. Évidemment, ça n'est pas pour rien dans la répression qui suit. Mais aussi sur l'ambiguïté des populations qui restent sur place, puisqu'on tente d'en évacuer, on parvient à en évacuer. Alors là, on est quand même dans des proportions qui n'ont rien à voir avec le Luxembourg. Vous dites 65 millions de personnes touchées, combien de millions de personnes déplacées? Une douzaine de millions, j'ai cru plus que ça encore. Voilà. Et donc, on est quand même dans des chiffres tout à fait gigantesques. Et donc, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire collaborer avec l'occupant nazi, dans ces périodes-là, quand on n'a pas le choix, puisqu'on ne peut pas faire autrement, et on est coincé dans cette zone particulière qui est Ukraine, Biélorussie, pays baltes, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire collaborer? Est-ce que ça veut dire travailler avec l'occupant? Est-ce que ça veut dire lui donner un coup de main et faire partie, en particulier, de ces troupes auxiliaires qui vont poursuivre les Juifs et d'autres, etc., etc. Oui, alors effectivement, il y a aussi une autre grande différence, c'est que le pouvoir stalinien reste à Moscou, et Staline en personne reste à Moscou. On évacue la plupart des ministères, des ressources, etc. Mais un signe très fort est envoyé très tôt pour dire qu'il faut résister. Bon, alors, des zones sont occupées tellement rapidement que les informations passent mal, etc. Mais néanmoins, le devoir de n'importe quel citoyen soviétique est de résister, et dans la logique soviétique, la loi soviétique reste en vigueur dans les territoires occupés. Donc si on ne résiste pas, on est forcément collaborateur d'une certaine façon? Alors, c'est non, quand même pas, mais on va rester suspect longtemps d'être resté en territoire occupé sans raison. Il faut fuir. Il faut essayer de fuir. L'évacuation officielle concerne environ 16 millions de personnes. Donc il y a un travail très intéressant de Rebecca Manley sur la question. Et on n'a pas pu évacuer tout le monde. On a évacué en priorité les personnels, des usines stratégiques. On a évacué un peu du bétail, enfin tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu évidemment évacuer tout le monde. Alors après, quand les enquêteurs arrivent et dans les enquêtes, on voit dans les dossiers judiciaires qu'il y a cette question qui surgit assez souvent. Pourquoi? Comment? Par quel hasard êtes-vous resté en territoire occupé? Et selon la réponse de l'individu, son dossier s'aggrave ou reste... Voilà. Reste stable. Enfin, ça suscite une grande suspicion des autorités, le fait d'être resté sans avoir été missionné par le parti ou le gouvernement pour résister. Donc, les gens qui se retrouvent en territoire occupé, certains sont restés sciemment, bien sûr. D'autres, grande majorité, n'ont pas su où fuir, ont eu peur de laisser leurs biens, parce qu'on est quand même dans un pays de grande pénurie. C'est pas nouveau, c'est pas parce que la guerre surgit que la pénurie elle s'aggrave, mais elle était déjà présente avant. Et des gens restent. Alors, dans les premiers mois, on a une collaboration volontaire qui se dessine, souvent à tendance nationaliste, en Ukraine, dans les pays baltes, beaucoup moins en Lituanie et en Biélorussie occidentale. Mais il y a aussi, dans cette collaboration volontaire, des gens qui n'ont pas réellement de motifs politiques. Il y a aussi l'appât du gain, etc. on l'évalue à quelques dizaines de milliers de personnes. Donc sur à peu près 2 millions de collaborateurs. Oui, c'est quand même beaucoup, parce que là aussi on est dans des grands chiffres. 2 millions de collaborateurs. 2 millions, mais seulement quelques dizaines de milliers de volontaires. Donc c'est quand même très peu là pour le coup. Et des collaborateurs dont l'armée nazie a extrêmement besoin. Oui, elle a extrêmement besoin. On est sur des territoires extrêmement grands. Finalement, l'armée allemande et les nazis, de manière générale, n'ont pas les moyens humains d'occuper ce territoire. Tout à fait. 1 million de kilomètres carrés, dites-vous, placés sous administration allemande. Voilà. Et 65 millions de personnes, alors tout compris, concernées environ, à maintenir sous contrôle. Donc, effectivement, alors que les instructions initiales, puisqu'il y a une logique raciste concernant les Slaves, et même, on soupçonne le russe d'être fourbe, ça c'est dans les instructions, ordonner de ne pas donner les armes à ces occupés-là, très vite finalement il va bien falloir le faire, et donc on enrôle tout un tas d'hommes dans les polices auxiliaires locales. Les polizei, on appelle ça ? Les polizei, des formations diverses de la Wehrmacht, donc auxiliaires. Mmh. Voilà. Certains font même des carrières, etc. Bon, à côté de ça, dès l'année suivante, et avant même que le vrai tournant de la guerre ait lieu, donc au cours de la bataille de Stalingrad et suite à la victoire soviétique, les autorités d'occupation vont forcer de plus en plus de gens à s'enrôler, dans une logique aussi de compromettre ces gens et de les rendre un peu inutilisables quand l'armée rouge va revenir. Mmh. Donc. Mais ça, les pouvoirs soviétiques le savent et ils vont adapter leur politique par rapport à ça dès la fin de l'année 43. Et puis, en ce qui concerne tous les civils, eh bien, beaucoup de gens ont très peur, parce qu'il y a un régime de terreur absolument épouvantable en zone occupée. Il y a une famine qui règne également épouvantable. Alors évidemment, les plus mal lotis sont les juifs. Hein, ceux qui ne seront pas exécutés tout de suite ont des rations de misère. Bon. Mais l'ensemble de la population occupée meurt de faim, en particulier dans les villes. Et un certain nombre de personnes vont rentrer dans de toutes petites formes de collaboration pour tenter d'avoir une ration. C'est sans compter aussi, expliquez-vous Vanessa Voisin, sur le fait que cette armée rouge en particulier, telle qu'elle s'est cristallisée depuis la révolution soviétique, et donc déteste de plus en plus les questions de guérilla, n'est pas propre, n'est pas habituée à ces questions de guérilla, et que néanmoins, elle suggère à des partisans d'agir, et quand ils agissent un peu de façon spontanée contre ses collaborateurs. Et ça n'est pas toujours du goût de Moscou. C'est-à-dire qu'il y a toujours des tensions, expliquez-vous, entre groupes locaux qui vont pratiquer donc, une vengeance extrêmement sévère, enfin une vengeance contre des collaborateurs des Allemands et des nazis, et de l'autre côté, un gouvernement soviétique qui ne voudrait pas trop que, disons, l'autogestion de militaires se mettent en place, puisqu'ils préfèrent une armée bien dirigée. Oui, alors la question du mouvement partisan et de l'épuration dans les actions du mouvement partisan a été très bien étudiée par une collègue qui s'appelle Masha Serovitch, qui a soutenu sa thèse il y a 3 ans. Et elle montre, et alors moi je m'appuie sur ses recherches pour étudier mon cas qui est très proche de Moscou et qui est un peu différent. Mais elle montre qu'effectivement, alors l'épuration n'est pas l'objectif numéro un du tout des partisans, au contraire, hein, ils doivent eux s'en prendre, saboter l'effort de guerre allemand, ennemi. Libérer le territoire. Voilà, ils doivent contribuer à... C'est ça. Mais en réalité, pour eux, c'est une des missions les plus importantes sur le plan symbolique, sur le plan de la vengeance, puisqu'ils sont dans une logique de vengeance très forte, étant donné que les crimes qui se déroulent en territoire occupé sont absolument épouvantables. Ils vont liquider beaucoup de collaborateurs, bien plus que finalement que des soldats ennemis, de manière, là aussi, extrêmement symbolique, avec démembrement, enfin des crimes vraiment très, très, très, très, très violents. Et ça va être... admis finalement, un peu sous la contrainte par le gouvernement, qui essaie néanmoins de codifier ça. Et de canaliser. Et de le canaliser, voilà. Bon, maintenant, les zones qui sont très loin du pouvoir soviétique lui échappent, en Ukraine, en Biélorussie surtout. Et dans la région que moi j'étudie, on voit qu'il y a une canalisation, puisqu'elle est plus proche de Moscou et que les unités de partisans sont là souvent formées d'ailleurs en territoire libre, non loin de là. Anaïs. Est-ce qu'on peut dresser un bilan finalement de cette épuration ? Est-ce que cette épuration a été vaste ? Est-ce qu'elle elle a touché largement ? J'ai vu dans votre livre que vous parliez de 500 000 épurés, et puis du coup je suis allée voir un petit peu du côté français. On est à près de 100 000 condamnations, donc finalement, proportionnellement, le chiffre soviétique est faible par rapport à la France. Non, parce que il y a donc on est vraiment dans l'évaluation. Mais pourquoi dites-nous pourquoi pourquoi, en tant qu'historienne comme vous êtes, et après avoir travaillé aussi longuement, vous dites encore, après tout ce travail, on est encore dans l'évaluation. Quelle est la marge d'erreur que vous pouvez connaître ? Elle est assez grande parce que du côté du... Pour chiffrer la collaboration, c'est compliqué puisque tout ce qui concerne notamment les collaborateurs administratifs et économiques, ils n'étaient pas vraiment listés dans les archives allemandes, donc on a du mal à les chiffrer. Et du côté soviétique, on a des informations plus ou moins fiables là-dessus. Donc on ne peut pas cliquer sur un onglet épuration pour voir immédiatement tout le monde voilà. Apparaître sur cet écran. Et on n'a pas donc déjà de chiffre de la collaboration, on a des évaluations. Donc déjà pour voir le pourcentage d'épuration. Et en ce qui concerne l'épuration, on a donc ces catégories qui s'entrecroisent et qui se superposent. Et donc, pour trouver, par exemple, un exemple très simple, l'article 58.1, la trahison, je ne peux pas savoir dans cet article 58.1 sur les condamnations de la guerre, lesquelles concernent des militaires condamnés pour différents rédits, lâcheté, etc., ou mes collaborateurs. C'est mélangé. Ceux qui sont clairs, ce sont ceux qui sont condamnés selon le décret d'avril 1943, puisque ça, c'est des crimes de guerre très violents. Dès lors que ce sont des nationaux, on sait que c'est pour cette raison-là. Et puis, non, je dis non, parce qu'on a 500 000, une évaluation 500 000 de condamnations, mais on a aussi des centaines de milliers de personnes qui sont punies selon un texte de l'exécutif, puisque l'épuration soviétique est à la fois judiciaire et extrajudiciaire, comme toujours, comme toutes les répressions politiques soviétiques. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui, les fameux Vlasovtsé, notamment. Il faut expliquer que c'est l'armée de Vlasov, donc le maréchal Vlasov, qui a été, oui. À partir de 1942, embringué, pourrait-on dire, qui a collaboré militairement avec les nazis dans cette période-là. En fait, l'appellation dans le jargon soviétique, elle embrasse beaucoup plus de gens que l'armée de Vlasov. Elle embrasse tous ces gens qui sont déplacés ou qui ont fui en Europe et qui sont rapatriés, ou qu'on essaie de rapatrier. Et donc, il y a dedans des polizei, des gens de l'armée de Vlasov, des gens d'autres armées, de toutes les formations, qui ont collaboré armes à la main. C'est ça le critère, armes à la main. Et donc, c'est Vlasovite, qui est une appellation donc générique, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont être condamnées à l'exil pendant 6 ans, ce qui est une peine relativement légère. Et là, c'est un point aussi commun avec les épurations occidentales, c'est-à-dire que c'est très dur au début, donc le menu fretin est tué en 42, et puis il y a des nuances qui s'instaurent pour différentes raisons, aussi bien pragmatiques que politiques, au fil du temps. Et donc c'est Vlasovites qui, eux, ont quand même combattu les armes à la main. Si on n'a pas d'informations supplémentaires sur leurs crimes, ils sont déportés pour 6 ans. Et là, ça concerne des centaines de milliers de personnes. Et il y a les proches des familles de traite qui sont aussi punis. Enfin, on a quand même, à mon avis, près d'un million de personnes réprimées sur environ 2 millions de collaborateurs pressentis. Donc finalement, c'est très sévère. Alors, vous dites aussi que cette collaboration met à mal le régime dans l'image qu'il se fait de lui-même, puisque évidemment c'est la grande guerre patriotique, il doit y avoir union sacrée, etc. Et que ce qui est le plus remarquable, expliquez-vous Vanessa Voisin, c'est que ça fragilise l'éthos héroïque du combattant soviétique, expliquez-vous, puisque théoriquement ces communistes devraient être dévoués corps et bien à la défense du parti et à la défense du communisme. Et vous expliquez par exemple que dans plein d'endroits, les jeunesses communistes sont parmi les premiers, dans certains endroits, à collaborer avec les nazis, ce qui évidemment ne rentre pas, ne fait pas très bien dans le tableau, Vanessa Voisin. Tout à fait. Si on étudie maintenant, si on sort du judiciaire pour étudier la purge du parti, on observe effectivement un grand désarroi des autorités quand elles découvrent l'ampleur des compromissions de membres du parti ou de membres des jeunesses communistes. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, il y a une politique de l'occupant qui comprend vite qu'il faut garder les petites autorités, c'est plus pratique pour obtenir des cultures, etc. Elles jouissent d'une certaine autorité locale, donc ils en gardent en fait un certain nombre. Ils ne recrutent pas que des gens hostiles au pouvoir soviétique. Et il y a effectivement beaucoup de membres du parti qui sont en plein désarroi et qui vont collaborer. Et vous expliquez que c'est aussi en partie parce qu'ils sont coupés de leur hiérarchie Tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir quel est le profil du parti en 1941, quand il y a l'invasion. Comme il y a une très grande purge du parti juste avant la guerre, on a beaucoup de nouvelles recrues. Et on a un parti très frais, finalement, très frais et moulu, qui réagit parfois... absolument pas comme on l'attendait, et qui va être très sévèrement puni lors de la purge du parti. Puisque j'avais calculé dans l'exemple que j'ai un taux d'exclusion de 85% quand même, des gens qui sont retrouvés et purgés, épurés. Voilà, et donc c'est effectivement l'éthos héroïque du communiste qui, depuis l'origine, doit être l'avant-garde de la société, et il y a une idée de combat, il faut tout le temps combattre pour mener à bien le projet bolchevique va être, du point de vue des autorités, renforcé. On va attendre énormément des membres du parti qui sont censés diriger la résistance et certainement pas, évidemment, collaborer. Anaïs Kien. Oui, c'est une guerre de patriotes. Il faut être patriote. Oui. Il faut à la fois être patriote, et alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir une assimilation entre la patrie, donc un concept quand même qui parle à plus de monde que les militants communistes, et le régime. Donc on est dans cette ambiguïté. Le pouvoir développe un discours patriotique, avec d'ailleurs une sorte d'accalmie relative dans ses relations avec la religion orthodoxe. Mais en même temps, finalement, c'est le régime qu'on cherche à défendre. Et c'est le régime dont, après la guerre, on va dire c'est le régime qui a vaincu. Quand se termine cette épuration, pourrait-on dire, puisqu'elle commence très tôt, expliquez-vous, dès 1941, on pourrait se dire à se terminer avec la guerre, mais en fait vous expliquez effectivement que tous ces gens qui n'ont pas été condamnés immédiatement après la guerre vont subir des exclusions temporaires de leur travail, vont être marginalisés dans la société soviétique. Ça dure jusqu'à quand? Jusqu'aux années 60, cette histoire-là? Alors, ça dure très longtemps. Il y a effectivement les gens, il y a des questionnaires pour être embauchés ou rentrer dans certains instituts pour étudier pendant plusieurs décennies après la guerre. Et il y a une case où on demande aux gens où ils étaient en territoire occupé. Et on sait, ça c'est plutôt des interviews qui nous le disent et quelques preuves écrites assez rares, qu'il y a une discrimination contre ces personnes. Donc il y a cette forme-là, cet ostracisme qui reste. Sur les gens qui sortent du camp, très longtemps aussi, vont avoir des très gros problèmes pour se réinsérer dans la société. Et enfin, dans les années 60, il y a une reprise. On revient sur ce thème et il y a de nombreux nouveaux procès de collaborateurs dans les années 60. Alors, ça nous conduit directement au thème de demain, dans cette série consacrée à l'histoire de l'épuration, Anaïs Kien, puisque votre documentaire portera sur justement une personnalité, une personne qui sera rejugée d'une certaine façon dans les années 60. Oui, on a tenté avec Françoise Camard de dresser le portrait d'un certain Jean Barbier, donc un ultra collaborateur français qui agissait notamment à Grenoble et dans la région de l'Isère. Alors, il fait partie d'un tout petit nombre de collaborateurs condamnés par contumace à la libération, c'est-à-dire des gens qu'on n'a pas réussi à retrouver et qu'on condamne en in absentia, et qui sont retrouvés relativement par un jeu de hasard dans les années 60 et qui sont condamnés à mort une nouvelle fois, donc pour la deuxième fois, dans les années 60. Alors on n'est pas du tout, là on est vraiment dans un jeu de hasard et dans un jeu de fichiers des préfectures et des fichiers policiers. On n'est pas du tout dans ce qui peut se passer en URSS dans les années 60, où là on est dans une série de procès publics filmés, dont la publicité est extrêmement exploitée par le régime et qui sert à une dénonciation de l'indulgence des pays capitalistes. Donc il y a véritablement un outil là, politique, un outil de propagande soviétique qu'on voit émerger à l'occasion de ces procès-là. Là, ce sont quatre procès. Quatre individus, dont celui de Jean Barbier, qui apparaissent un peu par hasard. C'est-à-dire que ces gens-là, on ne les cherche plus, évidemment. Et finalement, c'est cette mémoire collaboratrice française qui réémerge sans que personne ne l'ait réellement voulu, puisqu'on, comme je le répète, on ne cherche plus ces gens-là dans les années 60. Et puis d'ailleurs, c'est un peu par hasard aussi que vous tombez sur une archive de l'INA qui vous met la puce à l'oreille. Cette archive, on va l'entendre. C'est quoi cette archive? Oui, ça c'est pour vous raconter un petit peu la genèse de l'idée de ce documentaire. C'est une archive de juin 1975 où on apprend que Jean Barbier est séquestré, pris en otage par ses propres codétenus au sein de la prison de Melun. Le calme est revenu à la prison de Melun. Les deux détenus qui avaient pris en otage Jean Barbier se sont rendus. Au départ, ils voulaient que l'ancien chef de la Gestapo de Lyon fasse publiquement des aveux et soit ensuite jugé en Israël. Condition irréalisable, le chef de la communauté juive de Melun l'a fait comprendre aux deux détenus. Ils se sont rendus à ses arguments. Barbier s'en tire donc avec une légère coupure au cou. Son histoire remonte à 1943, Michel Forgit. 1943 dans l'Isère, Barbier, petit voleur minable, est arrêté à Saint-Marcellin. À cette époque, on peut échapper à la justice en se livrant à certaines activités. Jean Barbier se met à la disposition d'un certain André Francis, plus connu sous le nom de Gueule Tordue. C'est l'homme du PPF à Lyon, le Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Barbier est l'homme de toutes les situations, arrestation de résistants, torture, raid dans le maquis. Barbier est un spécialiste de la baignoire où il adore travailler le juif, comme il dira à l'époque. Nous sommes en mars 1944. Jusqu'à la libération, Jean Barbier accompagne les Allemands dans leurs expéditions contre les maquis, au Vercors en particulier. À l'heure de la débâcle, il prend la fuite avec 150 millions. Retrouvé par les Allemands, il est envoyé à Mauthausen. Fort habile, on le retrouve plus tard à Paris, au service de la sécurité militaire, un comble. Voilà donc cette archive de 1975 qu'on réentendra dans votre documentaire que vous avez réalisé avec Françoise Camard autour de cette personnalité extrêmement sombre de Jean Barbier. Oui, qu'on appellera le Eichmann français, puisque on l'entend dans cette archive. On rêve d'envoyer Jean Barbier être jugé comme Eichmann à Jérusalem. Alors l'histoire, pour la petite histoire, ce que vous n'entendrez pas dans le documentaire de demain, c'est que une légende dit que les codétenus de Jean Barbier qui l'ont séquestré en 1975 auraient enregistré ses aveux, puisque le but était de lui faire enfin avouer tout ce qui n'avait pas pu être prouvé pendant son procès. Je n'ai pas retrouvé ces bandes, mais si quelqu'un sait où elles sont, appelez-nous à la Fabrique de l'Histoire, envoyez-nous un mail, évidemment. Et puis, on continuera notre semaine consacrée à l'histoire de l'épuration mercredi, en nous interrogeant justement sur les amnisties d'après-guerre. Et jeudi, on débattra d'un grand programme européen, justement, de comparaison autour de cette question de l'épuration. Oui, la question sera celle-ci. Est-il possible de faire une histoire européenne de l'épuration ? Et là-dessus, on vous rejoindra évidemment, Vanessa Voisin. Merci Vanessa Voisin d'être venue en deuxième partie de cette émission pour présenter le livre qui paraît très bientôt, début avril, aux publications de la Sorbonne, l'URSS contre ses traîtres. Et merci à Vincent Artuseau de nous avoir rejoint en première partie de l'émission pour évoquer le rapport qu'il a remis au gouvernement luxembourgeois sur la question juive, entre guillemets, au Luxembourg 1933-1941. Comme d'habitude, cette émission est préparée par Marie-Yvonne Abolivier et Aurélie Marcet. Dofar Guérid était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, 1000 jours. Vous pouvez la télécharger pendant 1 an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter.